À l'occasion du 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, la direction d'édition des timbres d'État a mis au monde une vignette et un timbre individuel. La vignette représente le président Guémesson qui constitue l'Union pour abattre l'impérialisme. Sur sa partie supérieure, il y a les mots 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme et l'an 15 du jeté 1926, l'an 105 du jeté 2016. Le timbre individuel, qui a pour l'arrière-plan le drapeau rouge de l'Union pour abattre l'impérialisme, représente le Mont Bektou, mont sacré de la Révolution.